Les éditions de l'Avenir présentent Relations des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611-1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur, près de l'archevêché, 1858. Relation de ce qui s'est passé en la Nouvelle-France en l'année 1633. Envoyé au révérend père Barthélemy Jacquinot, provincial de la Compagnie de Jésus en la province de France, par le père Paul le Jeune, de la même compagnie, supérieur de la résidence de Québec. Relation de 1633, première partie. Mon révérend père, les lettres qu'on envoie en ces pays-ci sont comme des fruits bien rares et bien nouveaux. On les reçoit avec contentement, on les regarde avec plaisir, on les savoure comme des fruits du paradis terrestre. Il y avait un an que votre révérence ne nous avait parlé. Ce peu de mots qu'il lui a plu nous coucher sur le papier nous semblent des paroles de l'autre monde. Ainsi sont-elles pour moi, je les prends comme des paroles du ciel. C'est assez dit pour témoigner des sentiments qu'a eu mon âme à la vue de ces lettres. Et, afin que la joie possédât entièrement notre cœur, il ne fallait point d'autres messagers pour les apporter que ceux qui sont venus. On était ici en double si M. de Champlain ou quelque autre de la part de messieurs de la Compagnie de la Nouvelle-France, ou bien si le sieur Guillaume de Caen devait venir, comme il en avait l'an passé, donner parole publiquement de notre vaisseau au sortir de France. Chacun défendait son parti et produisait ses raisons probables avec respect et modestie, quand tout d'un coup, M. de Champlain, avec les ordres de Mgr le cardinal, est venu terminer le différend en faveur de la Compagnie de la Nouvelle-France. Ce jour nous a été l'un des bons jours de l'année. Nous sommes entrés dans de fortes espérances qu'enfin, après tant de bourrasques, Dieu voulait regarder nos pauvres sauvages de l'œil de sa bonté et de sa miséricorde, puisqu'il donnait cœur à ces messieurs de poursuivre leur pointe, malgré les contrastes que les démons, l'envie et l'avarice des hommes, leur ont suscités. Je ne sais comme cela se fait, mais je sais bien que, puisqu'ils s'intéressent en la gloire de Dieu, en la publication de l'Évangile, en la conversion des âmes, nous ressentons je ne sais quel intérêt d'affection dans leurs affaires, et telle sorte que, si nos souhaits avaient lieu, ils recueilleraient plus en un mois qu'ils n'ont perdu en tant d'années, que leurs desseins ont été traversés. Aussi sont-ils nos pères, puisqu'ils nourrissent ici une partie de nous autres, et nous départent à tous leur affection abondamment. J'espère que, dans quelques années, ils verront des fruits du ciel et de la terre, sortir du grain qu'ils ont semé avec tant de peine. C'est la conjecture qu'on pourra tirer des petites remarques que je vais brièvement tracer. Et, afin d'éviter la confusion, je suivrai l'ordre du temps. Mais au préalable, il faut que je dise que nous avons pris un singulier plaisir dans les déportements de nos Français hivernants. Il n'en faut point mentir, j'eus quelque appréhension dans la traverse que le libertinage nous passa la mer avec nous. Mais le bon exemple des chefs qui commandaient ici, l'éloignement des débauches, le petit travail que nous avons pris dans les prédictions et administration des sacrements, les ont retenus tellement dans le devoir qu'encore bien que nous eussions des personnes de deux partis bien différents, néanmoins, il semblait que l'amour et le respect commandaient pour l'ordinaire et aux uns et aux autres. Plusieurs se sont confessés généralement de toute leur vie. Ceux qui n'avaient quasi jamais parlé du jeûne que par risée l'ont étroitement gardé, se rendant obéissant à leur mère l'Église chrétienne et catholique. Mais venons au départ des vaisseaux de l'an passé pour suivre les mois qui se sont écoulés depuis ce temps-là que nous avisâmes, le père de nous et moi, qu'il fallait chercher les moyens de s'adonner à l'étude de la langue sans la connaissance de laquelle on ne peut secourir les sauvages. Je quittai donc tout autre soin et commençai à feuilleter un petit dictionnaire écrit à la main qu'on m'avait donné en France, mais tout rempli de fautes. Le 12 d'octobre, voyant que j'avançais fort peu, apprenant avec beaucoup de peine des mots décousus, je m'en allai visiter les cabanes des sauvages, à dessein d'y aller souvent et me faire l'oreille à leur langue. Ils étaient cabanés à plus d'une lieue, loin de notre maison, et, de peur de m'égarer dans les bois, je pris un long détour sur le bord du grand fleuve de Saint-Laurent. Oh, que de peine à trancher les roches de la pointe au diamant! C'est un lieu ainsi appelé de nos Français, pour ce qu'on y trouve quantité de petits diamants assez beaux. Ces chemins sont affreux. J'allais des pieds et des mains, avec belle peur de me laisser tomber. Je passais par des endroits si étroits que, la marée montant et m'empêchant de poursuivre mon chemin, je ne pouvais retourner en arrière, tant le passage me semblait dangereux. Je grimpai au-dessus des rochers et, m'agrafant à une branche qui arrêtait un arbre abattu, cet arbre s'en vint rouler vers moi avec une telle impétuosité que si je n'eusse esquivé son coup, il m'eût tout brisé et jeté dans la rivière. Arrivé que je fus aux cabanes des sauvages, je vis leur sécherie d'anguilles. Ce sont les femmes qui exercent ce métier. Elles vident ce poisson, le lavent fort bien, l'ouvrant non par le ventre, mais par le dos, puis le pendant à la fumée, l'ayant fait au préalable, égoutté sur des perches hors de leur cabane. Elle le tailla dans plusieurs endroits, afin que la fumée le dessèche plus aisément. La quantité d'anguilles qu'ils prennent en ce temps-là est incroyable. Je ne voyais autre chose dedans et dehors leur cabane. Les Français et eux en mangent incessamment pendant ce temps-là et en gardent quantité pour les jours où on ne mange point de chair. J'entends les Français, car les sauvages n'ont point d'autre mets pour l'ordinaire que celui-là, jusqu'à ce que les neiges soient grandes pour la chasse de l'orignal. Comme j'allais de cabane en cabane, un petit garçon, âgé d'environ 12 ans, s'en vint droit à moi. Je l'avais caressé, l'ayant trouvé quelques jours auparavant, en quelque endroit, me semblant fort posé et modeste. M'ayant reconnu, il me dit « Anya, Ashtam, Ashtam! Mon frère, viens, viens! » Il me met dans la cabane de ses parents. J'y trouvai une vieille femme qui était sa grand-mère. Il lui dit 2 ou 3 mots que je n'entendis pas, et cette bonne vieille me présenta 4 anguilles boucanées. Je n'osai les refuser, de peur de la fâcher. Je m'assis à plate terre auprès de son petit-fils. Je tirai un morceau de pain que j'avais porté avec moi pour mon dîner. J'en donnai à ce petit garçon, à sa grand-mère et à sa mère qui survint. Ils me firent retirer une anguille avec une petite broche de bois qu'ils piquantèrent auprès du feu. Puis, ils me la présentèrent sur un petit morceau d'écorce. Je la mangeai avec cet enfant auquel je demandai de l'eau. Il m'en alla quérir dans une écuelle ou plat fait d'écorce. Sitôt que j'eus bu, tous ceux qui étaient dans la cabane burent après moi. Pour serviette, ce petit garçon, ayant manié cette anguille cuite qui était fort grasse, il se servait de ses cheveux. Les autres frottent leurs mains à leurs chiens. Cette bonne vieille, voyant que je cherchais où essuyer les miennes, me donna de la poudre de bois sec et pourri. C'est de quoi les mères nettoient leurs petits-enfants. Ils n'ont point d'autre linge. Après que j'eus dîné, cette bonne femme me fit une harangue, me donna encore de l'anguille. Elle me semblait recommander son fils, mais je ne l'entendais pas. Je tirai mon papier et lui dis, le mieux que je pus, que son fils me vint voir et qu'il m'apporta les anguilles qu'elle m'avait données, ne les pouvant apporter avec moi pour la difficulté du chemin, lui promettant quelque chose pour sa peine. Je ne sais s'ils entendirent mon baragouin, mais je ne l'ai point vu depuis. Étant de retour au logis, et racontant au père de nous la difficulté du chemin, il me dit, pour me consoler, qu'allant au Huron, on rencontrait 40 endroits plus difficiles que celui dont je lui parlais. Dieu soit béni de tout. Si nos pères qui iront à ce pays-là ont de la peine, Dieu les sera fort bien récompensés. Voyant donc que je perdais beaucoup de temps à ces allées et venues aux cabanes, je cherchais un autre moyen de tirer quelque chose de la langue dont je parlerai tantôt. Le 13 du même mois d'octobre, le sauvage, nommé Manitougash, surnommé des Français la Nasse, nous vint voir avec quantité d'autres, qui nous firent dépositaires et gardiens de leurs sacs et richesses. Je demandai à l'un d'eux son nom. Il baissa la tête sans rien dire. Un Français le demanda à un autre, lui disant « Kiga Ikinikasson ? Comment t'appelles-tu ? » Il répondit « Namanikitsteretin. Je n'en sais rien. » J'ai depuis appris qu'ils ne veulent point dire leur nom devant les autres. Je ne sais pourquoi. Si néanmoins vous demandez à quelqu'un comme un autre s'appelle, il vous le dira librement, mais il ne dira pas son nom. Il est vrai que je l'ai fait dire à quelques enfants lesquels, me demandant le mien et voyant que je le disais librement, ils me disaient aussi le leur. Le 24, étant allé dire la messe à l'habitation de nos Français, un capitaine des sauvages vint voir le sieur Émery de Caen et lui dit que les Algonquins, étant allés à la guerre entre les Iroquois, un de leurs hommes avait été tué et l'autre pris prisonnier. Ce qui avait tellement épouvanté les Montagnais qu'ils s'en revenaient tous de la chasse du castor et de l'ours pour se cabaner près du fort, de crainte d'être surpris de leurs ennemis. Ils se voulaient rassembler pour être plus forts. Mais ils craignaient la faim en quittant leur chasse. Ils demandèrent donc si on ne les secourrait pas de vivre au cas qu'ils demeurassent ensemble. La réponse fut qu'on ne voulait rien donner à crédit cette année-là. Ce à quoi ils s'attendaient. On me raconta une générosité de ce capitaine, étant envoyé pour espion des ennemis. Se voyant tête à tête, l'Iroquois, se croyant plus fort que le Montagnais, lui dit « Ne faisons point tuer nos gens, mais luttons ensemble et voyons qui pourra emporter son compagnon. » La proposition acceptée, ce capitaine qui, pour lors, était espion des Montagnais, fatigua si fort son homme que, l'ayant terrassé, il le lia, le chargea sur son dos comme un fagot et l'emporta vers ses gens. Voilà ce qu'on me dit de lui. Le même jour, le sauvage Manitougache, autrement dit l'Anas, c'est celui dont j'écrivais à votre référence l'an passé, qui se voulait venir cabaner auprès de nous, comme il a fait depuis, retournant de la chasse aux ours, s'en vint souper et coucher chez nous. Ayant bien mangé, il commence, en riant, à frapper doucement son ventre tout nu, disant « Taponé nekispoun !» En vérité, je suis saoul. Voilà comment ils remercient leurs hôtes de la bonne chère qu'on leur a faite. Quand ils disent « Nekispoun, je suis saoul », c'est-à-dire qu'on les a bien traités. Ils portaient avec soi un fort grand bouclier fort long et fort large. Il me couvrait tout le corps aisément et m'allait depuis les pieds jusqu'à la poitrine. Il le relève et s'en couvre entièrement. Il était fait d'une seule pièce de bois de cèdre fort léger. Je ne sais comment ils peuvent doler une si grande et si large planche avec leur couteau. Il était un petit peu plié ou courbé pour mieux couvrir le corps et afin que des coups de flèche ou de masse venant à le fendre n'emportassent la pièce, il l'avait cousue haut et bas avec de la corde faite de peau. Il ne porte point ses boucliers au bras. Il passe la corde qui les soutient sur l'épaule droite, abriant le côté gauche. Et quand ils ont tiré leur coup, ils ne font que retirer le côté droit pour se mettre à couvert. Je dirais ici que les sauvages aiment fort la sagamité. Le mot de « sagamité ou » en leur langue signifie proprement « de l'eau » ou « du brouet chaud ». Maintenant, ils étendent sa signification à toutes sortes de potages, de bouillies et choses semblables. La sagamité, qu'ils aiment beaucoup, est faite de farine de blé d'Inde. Au défaut de cette farine, nous leur en avons quelquefois donné de la nôtre de France, laquelle, étant bouillie avec de l'eau, ne fait que de la colle. Ils ne laissent pas de la manger avec appétit, notamment si on y met un peu de pimi, c'est-à-dire d'huile. C'est leur sucre. Ils en mettent dans les fraises et framboises quand ils en mangent, à ce qu'on m'a dit. Et leurs plus grands festins sont de graisse ou d'huile. Ils mordent parfois dans un morceau de graisse blanche, figée, comme nous mordrions dans une pomme. Voilà leur bonne chair. On m'a dit encore qu'avant qu'on leur apportât des chaudières de France, ils faisaient cuire leur chair dans des plats d'écorce, qu'ils appellent « ouragana ». Je m'étonnais comme ils pouvaient faire cela, car il n'y a rien si aisé à brûler que cette écorce. On me répondit qu'ils mettaient leur chair et de l'eau dans ces plats, puis qu'ils mettaient 5 ou 6 pierres dans le feu. Et quand l'une était toute brûlante, ils la jetaient dans ce beau potage, et, en le retirant pour la remettre au feu, ils en mettaient une autre toute rouge en sa place, et ainsi continuaient-ils jusqu'à ce que leur viande fût cuite. Pierre le Sauvage, dont je parlerai ici après, m'a assuré que quelques-uns, ayant perdu ou rompu leur chaudière, se servaient encore de cette ancienne coutume, et que la chair n'était point si longtemps à cuire, on s'imaginerait bien. Le 27 octobre, veille de Saint-Simon et Saint-Inde, nous vîmes une éclipse de lune qui me confirma dans la remarque que je fis l'an passé que vous aviez en France le jour 6 heures et un peu davantage plus tôt que nous. Car l'almanach disait que cette éclipse devait arriver en France sur la minuit et nous la vîmes sur les 6 heures du soir. Donc je conclus que la différence du commencement de nos jours et de nos nuits est de 6 heures. Si bien que maintenant, vous êtes dans la profondeur de la nuit, autant que j'écris ceci, sur les 6 heures du soir. Le 28, quelques chasseurs français, retournant des îles qui sont dans le grand fleuve Saint-Laurent, nous dirent qu'il y avait gibier à foison, des outardes, des oies, des canards, des sarcelles et autres oiseaux. Ils nous assurèrent encore qu'il y avait des pommes dans ces îles, fort douces, mais fort petites, et qu'ils avaient mangé des prunes qui ne céderaient point à nos abricots de France si ces arbres étaient cultivés. Les sauvages gâtent tout, car rencontrer un arbre fruitier, ils l'abattent pour avoir le fruit. Le 31, un sauvage, surnommé Breau, pour ce qu'il parlait fort haut, revenant de la chasse, demanda de couvert chez nous pour une nuit et à souper par conséquent. On lui donna des pois et à ses 2 enfants qui l'accompagnaient. Il mangea avec si grand appétit que, pour exploiter davantage, il quitta une cuillère d'étain qu'on lui avait présentée et prit la grande cuillère du pot, s'en servant pour manger. Et pour ce que le plat n'était pas assez profond, il puisait dans la marmite, de laquelle il se servait pour écuelle, sans garder autre civilité que celle que son grand appétit lui fournissait. Je le laissai faire quelque temps. Après qu'il eut bien mangé, il s'en va prendre de l'eau avec la même cuillère du pot, buvant cela avec plaisir et rejetant son reste dans le seau. Voilà toute l'honnêteté qu'ils savent. J'en ai vu quantité d'autres, cherchant quelque chose pour puiser de l'eau, prendre un petit poêlon, dont le dessous est comme celui d'une marmite, et boire bravement avec cela, et avec autant de contentement, qu'on boirait en France d'un vin fort excellent, dans un verre de cristal. Les vaisseaux les plus gras leur sont les plus agréables, pour qu'il n'y a rien qu'ils aiment tant que la graisse. Ils boivent chaud ordinairement, et mangent à terre. Ceux qui maintenant nous connaissent ne font plus ces grosses incivilités devant nous. À suivre.